toujours devant dans la bagarre. Viens pas nous chercher, on est malade. Et puis nous raconte pas tes salades. Enfant du tiers-monde et de madame, vous venez à nos CIB. Chez nous c'est pas si beau. On a roulé les OCB juste pour l'effet placebo. Oh nana, ils m'ont libu la piste. Ça m'a rendu lunatique. Depuis petit j'ai vu la street. J'ai eu mal et j'ai vu la tease. Et le renard il s'en bat les steaks. Il paiera si t'envoies l'échec. Si à la guerre on l'a fait, je t'assure, on craint pas l'échec. C'est nous les divans, c'est les tapettes. Dans le peur, je me balade en claquette. En quelques secondes je suis rentré chez toi. Et en une minute j'ai tout rave la mallette. J'fais des dada dada pire. Marre de picrave et des kills. L'être humain est un chien et on se croirait dans boulet pire. Et faut pas voler mes billes. Rechercher mon bénéfice. Y'a eu des coups de taser. L'ambiance était électrique. Et moi je suis l'esclave de son père. Je serai jamais la bonne foi. Ma mère c'est une panthère. Et mon père c'était Foreman. Paname, île de France. Moi je suis connu dans le périmètre. Pour les dealers, les intérimaires. Jamais de ma vie je vendrai périmère. Et j'ai toujours grandi comme un bonhomme. Coup de pied dans la tête à la Bouganem. Je parle en bambara et je parle en Wolof. Rien cette état et je vous dis c'est l'air. Je suis dans le jet et je veux m'en sortir. Je n'arrive même plus à dormir. Ils ont dit oui, moi je suis resté normal et j'ai dit non. Ça va tartiner jusqu'à minuit. Je serai absent pour le dîner. Et j'ai vendu avec les tibans. Parce que ma mère elle était ruinée. L'esprit de mon père il est vivant. Sénégal, Mali, Guinée. Eh je suis dans le chess, je fume la troque. Pas les couilles, je suis avec tous mes potes. J'ai de la skunk, roule un blunt. Rien à foutre, on a tous les stocks. Tire sur moi, bah je tire sur toi. On s'en fout, on a tous les glocks. Je suis au stage, j'habite à Boston. Là-bas je leur ai dit que je suis dans le rock. J'ai pas eu le bac et j'ai pas fait la plaque. J'ai vendu la beuh, j'ai vendu le crack. J'ai investi mes sous, tu m'as fait un trou. Espèce d'enfoiré, tu vas manger des claques. Oh merde. Elle m'a montré son tas à bas. 3h du mat, je l'ai tabassé. J'ai séché la madrassa. Et mon daron il m'a tabassé. J'ai grandi avec des noirs, avec des arabes et des gitans. Tous dans la même équipe. Et moi je rentrais à la mi-temps. Wesh les mecs, ça va bien ou quoi? Est-ce qu'il y a de l'argent à ramasser? Et j'arrive le regard froid, parce que mon cœur il est cadenassé. Dans Jess et je veux m'en sortir. Et je n'arrive même plus à dormir. Et on se croirait dans boulet.